And now we bring you a roundup of today's news, read by Common True Records. Who said I'm pounding my chicken before the hour? But the hour, golden chicken, the two. So what you gonna do, my friend? What? You've stopped. Sponsor, c'est parti. Bien, c'est ma patrie, ghetto démographie. J'm'en bats les couilles de vos démocraties, de monde à cime. Comment tu veux changer des choses assises? J'te monte à dos, car ma vie n'est pas rose facile. J'habite sur un monde fragile où le malheur te contagie. Alors va te faire foutre, faut pas que tu me racontes ta vie. Je garde ma tête sur l'état de mon art. Et hors des problèmes, j'écris des poèmes, balance des classiques pendant que tu fais ta star. Non, je ne vise pas le disque d'or. J'suis là pour enterrer ces pédés qui nous disent qu'on dort. C'est la voix de l'exclu qui parle très fort depuis en bas, qui te remet à ta place si tu crois que t'es l'élu. J'en ai marre de squatter les rues. C'est l'heure de se faire de la main, chacun sa bataille. Mais j'suis seul comme ça, j'ai gratté cette thune. Hein, à mon tour de croquer. Best sponsor, y'a plus personne qui peut nous stopper. Y'a plus personne qui peut nous stopper. À part nous-mêmes à la conquête de l'apogée. Best sponsor, la base, valeur sûre comme un pack de songer. Y'a plus personne qui peut nous stopper. À part nous-mêmes à la conquête de l'apogée. Best sponsor, la base, la valeur sûre comme un pack de songer. Je marche, je pense et puis je perds ma confiance. Regarde bien cette terre et tous ces mensonges. Je fume de l'herbe jusqu'à perdre conscience. Oui, c'est la merde, ma belle, et c'est la tendance. En attendant, je fais ma hip. T'attends le changement, mais t'es naïf. Il faut que t'apprennes par toi-même. J'évite les problèmes, traverse le désert comme un Touareg. Quoi faire, le penseur vous dégrade comme un coiffeur. T'affirme que sur une main je peux compter mes gassures. Mes blessures du passé m'apprennent sur le futur. La base, on tient ensemble comme des points de suture. Donc y'a plus personne qui nous stoppe. À part nous-mêmes sur le chemin qui mène au top. La solidarité te fait sentir l'ampleur. Comme un chou jusqu'à la mort. Le sponsor, y'a plus personne qui veut nous stopper. À part nous-mêmes à la conquête de l'apogée. Le sponsor, la base, valeur sûre comme un pack de songer. Y'a plus personne qui peut nous stopper. À part nous-mêmes à la conquête de l'apogée. Le sponsor, la base, la valeur sûre comme un pack de songer. La valeur sûre comme un pack de songer. Sparrow Expert, la base. Cipriano, Cipriano, oh, you think I'm counting my chicken before the...